Arrivé à l'âge où il est décent de préparer son avenir, il me fallut quitter la maison paternelle. Sarriette vint, avec les parents et les amis, m'accompagner à la diligence. Sarriette, la cousine Sarriette, fluette et blonde, avec des airs de petite fée, et que j'ai respectée un peu comme telle, quoique son aînée de 3 ans, parce que, douée d'un œil très fin et d'une âme particulièrement inventive, elle rapportait toujours, de nos courses sur les montagnes, des fleurettes rares, cueillies dans des endroits que personne ne connaissait, et de belles histoires qui, assurait-elle gravement, lui avaient été racontées par les vieux arbres et le vent. J'aurais voulu emporter mon lino, mais je n'osais pas, m'étant vu rabrouer dès les premières paroles par le conducteur, un gars superbe dont la prestance intimidait mes 14 ans, quand, avec sa veste courte et brodée, sa casquette de forme étrange et son petit roquet aboyant sur la bâche, je le voyais passer, superbe, comme un capitaine à son bord, en haut de la lourde voiture, lancé au grand galop, et tanguant et roulant dans une tempête de grelots, de coups de fouet et de poussière. « Enlève ça, petit, nous sommes complets, il n'y a plus de place pour la cage. »